je retrouvais une géographie adolescente. La vie avait eu lieu. Plutôt que de tendre la main vers un oubli, celui-ci ressemblant à un sourire, j'étais devenu sentinelle et chemin de ronde. Il dormait de sa force résignée. L'expression de son visage ensommeillé était grave. Tant de guerres avaient eu lieu avant ces silences. Je savais que la profondeur irait crescendo. La vie, la mienne, marchait sur des territoires auxquels mon corps ne s'habituerait plus. Le cœur, un confort du cœur. J'avais résolu une équation amoureuse en notant cela. Attentif au passage des hirondelles, bien plus que cela, aux métaphores tournoyantes. Après avoir signifié par la fermeture de regard la fin du jour, je demeurai dans un espace intermédiaire, celui d'avant la résiliation des promesses, peut-être d'un geste agacé avant que l'on ne me recoue le cœur. La fumée de ma cigarette flirte avec une lampe oblique. L'été, dans sa préface où j'enterrai mes ivresses, mes rites nocturnes, génération de passage à l'horizon, le spectacle des corps anxieux, sourire aux lèvres, le bruit chaotique que fait le monde, je comprenais avec patience les chemins ne menant nulle part, une vérité de parcourir sans but. Il faut s'y tenir. C'est improbable. Rigoureux. J'aurais pu vivre dans une station balnéaire tombée en hiver, m'asseoir discrètement dans le salon d'un hôtel aux tentures rouges et aux dorures anciennes. Je peux ouvrir le poing que j'ai longtemps tenu fermé et poser cette main nouvelle sur ma poitrine. D'ici jusqu'à l'éternité.